L'un était physique, l'autre esprit. Et avec une telle révélation, si vous l'avez, vous ne croirez jamais que le Saint-Esprit promis soit Simboki Mangu, ou Ibalembongé, ou William Branham. Vous ne pouvez pas croire ça. C'est la révélation. Ce n'est pas ça, mon Seigneur. Mon colota, mon côté. Ok, nana kodi mete, muri mo santo ya la kamachete akoya wana, akomi simona kimbangu, ebale mbongo to branam. Ata ko kolo mo sala sana e moni sebiya ngoko ni mabongote. So ki le diz e komasa kuar sa, non pa la revelasyon. Amen. O ba sali kolo ba kato ko baka na koni makama ka mabongo, e sali sami ate ba sali sana e moni sebiya. Le Saint-Esprit a été donné pour l'église. Muri mo santo pasha malinde e kerezia. Et nous ne pouvons pas avoir deux prêtres en train de diriger l'église au même moment. Parce que non, non et non. Ils sont restés sur le Saint-Esprit. Voulez-vous croire comme ça? Pour arrêter le combat, la défense de l'idée. Nous sommes des frères. Ceux de Paul, ceux d'Apollo, ceux de Branham, ceux de Sissi, de Kingani, de Kingani. Qui est mort pour vous? Qui a répandu son sang pour vos âmes? Toujours ce fanatisme, ces dénominations. Vous connaissez pas ma dénomination tout le temps. Même après avoir prétendu quitter les dénominations. L'esprit de l'idée. Si c'est l'homme qui la dirige, le Saint-Esprit est à l'écart. Et si c'est le Saint-Esprit qui la dirige, généralement l'homme est à l'écart. Quelle choisissez-vous, Église? Être dirigé par un leader, qu'il soit votre leader, ou avoir le Saint-Esprit à la tête. Que choisissez-vous? Nous mettons l'homme à l'écart. Nous tous, nous pensons. Nous mettons l'homme à l'écart. Amen. Que le Saint-Esprit dirige. Mais bien sûr qu'il utilise les hommes. Mais l'homme ne peut pas avoir plus d'importance que le Saint-Esprit qui est notre conducteur. L'homme ne peut plus devenir plus pressant que le Saint-Esprit sur nos âmes. Nous tous, à profiter de passer à l'école, mais nous pourrons comme nous nous sentons l'école dans la mission. Que Dieu aide chacun de nous à avoir la bonne position. On ne doit pas se mettre à défendre l'homme plus que le Saint-Esprit. Vous commencez à parler plus de l'homme, vous réclamez plus de l'homme que le Saint-Esprit. Réclamez le nom de l'individu de l'homme plus que le nom du Saint-Esprit. Pour vouloir entendre plus le nom de l'homme plus que le nom du Saint-Esprit. Oh mon Dieu. Idolâtre. C'est un état d'esprit. Là où il y a l'esprit du Seigneur, là il y a la liberté. Il ouvre les prisons. Il répand la foi. Le Saint-Esprit est là. Vous croyez? Si c'est le Saint-Esprit qui dirige l'église, généralement l'homme est à l'écart. C'est donc soit l'un, soit l'autre. Nalikamoy, et qu'on a mobile moko to musus. Nous devons donc en arriver à cette conclusion. Dieu veut que le Saint-Esprit dirige l'Église. Nous allons voir. Nous allons voir. Il y a des choses qui sont plus importantes. Nous devons en arriver à cette conclusion. Nous devons. Dieu veut que le Saint-Esprit dirige l'Église. Qui refuse de croire comme ça? Levez les doigts. Vous allez libre. Au lieu d'aller vous respecter à côté, parce que David, matin, hier, moko. Dieu veut que le Saint-Esprit dirige l'Église. Je ne veux pas juste parler de l'Esprit qui se lève et prêche. Il utilise les humains. Or, je ne veux pas juste parler de l'esprit qui se lève et qui prêche. Parce que le Saint-Esprit établit des gens dans l'Église pour certaines choses. Mais je veux dire que si tout ce qu'il faut, c'est juste être intellectuel, alors voyez. Dieu nous a dit ici dans Romains 10, il n'y a pas longtemps on l'a lu ici, au verset 14, le verset 15, et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Il faut qu'ils soient envoyés pour qu'il y ait des prédicateurs. Mais ces prédicateurs prêchent par l'autorité de qui? Sous l'influence de qui? Par quelle onction? Voyez, c'est là que nous voyons dans 1 Pierre chapitre 1er, versets 10 à 12. Il est dit ceci, les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elle serait suivie. Verset 12, où nous voulons en venir. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncées maintenant. Ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel. Amen. Donc, le Saint-Esprit que Dieu a envoyé du ciel ne prêche pas à vide ou dans le vide. Mais il utilise des hommes pour prêcher. Mwalimu santo nzambe atindi utana lola akoya tena mupepe boye boye kibobele mungongo abande koteni kotia ya bino kasi azalinde kosala na nzela ya batu bakoma ki koye ba ete bazali komisunga bango penza te na makambo oyo kasi bazali kinde kosunga bino mpesa sayi pibo silinde koyeka yango polele na minoko na bango basakweli bino sango malamu basala kiboye mpona mwalimu musantu oyo atinda makilongwa na likolo. Mais ces prédicateurs qui prêche comme ça, ne doivent pas prêcher intellectuellement. Exposer leurs opinions. Mais ils doivent prêcher par le Saint-Esprit. C'est ça que vous voyez la différence. Vous pouvez donner la chair à un individu, mais qui ne fera qu'étalage de ses intellectualismes, ses connaissances purement charnel et tout, il va exposer et puis vous verrez comme s'il y a une cohérence. Non, l'homme doit prêcher par le Saint-Esprit. Veut dire le Saint-Esprit prêchant en travers l'homme. Peshetele na mtu moko ayewana lokola tanga kimingi bomoni azali kozoma loba kosangisana boyebi na yebo na boye zali bungote izali ete mtu nde akote na nzela na mulimu santu kulikuko lobete mulimu santu nde afali patane nzela ya mtu. Et il va de soi que si cet homme n'a jamais été établi par le Saint-Esprit pour prêcher, le Saint-Esprit ne peut pas l'utiliser pour prêcher. Les hommes peuvent l'apprécier comme prédicateur, mais Dieu lui ne l'a jamais choisi pour l'utiliser dans la prédication. Il utilise dans la prédication les hommes que lui a établis pour prêcher. L'un d'eux s'appelait Pierre. Simon Pierre, qu'est-ce qu'il a dit au sujet de ses prédications? Acte des Apôtres, chapitre 10. Comprenons ça. Verset 42. Pierre dit ceci dans la maison de Corneille. Et Jésus nous a ordonné de prêcher. Hein? Jésus nous a ordonné de prêcher. Nous ne prêchons pas par notre volonté. Mais nous avons reçu l'ordre de sa part pour prêcher. Et c'est pour cette raison que le Saint-Esprit a pu utiliser Pierre le jour de la Pentecôte. Pas la prédication. Écoutez, le verset 22 dit d'abord, et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que celui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Yesu, à la qui dit ça, osakola kana batu pe kotatola ete ye wana azalinde mpona mina nzambe lokola mosambisi na batu na bobo impe na bakufi. Êtes-vous là? Jésus nous a ordonné de prêcher. Yesu alaki. Nous ne prêchons pas par notre volonté. Mais c'est lui qui nous a ordonné de prêcher. Gloire et louange au Dieu vivant. Il nous faut comprendre cette manière de faire. Dieu est un Dieu d'ordre. Son église est bien coordonnée. Les affaires de Dieu sont bien programmées. Ce n'est pas de l'intelligence d'homme qu'on a besoin. Nous avons un homme intelligent dans la tête de lui. Mais nous avons besoin du Saint-Esprit comme conducteur. Est-ce que c'est clair? Et maintenant, quand le Saint-Esprit conduit l'Église, et qu'il a ordonné aux gens de prêcher, et il pourra les utiliser pour prêcher, mais cela ne veut pas dire que l'Église va fonctionner vaille que vaille, que chacun va pouvoir faire n'importe quoi, l'essentiel est d'avoir des prédicateurs. Non, il y a quand même un ordre que Dieu établit dans chaque contexte. Dans chaque âge, il y a un ordre. choisi quelqu'un pour lui confier le message. Pour l'âge allant d'une année vers une autre année. Pour l'âge qui couvre une période de temps. Il confie le message que tous peuvent écouter à quelqu'un. Et c'est là qu'il a fait le message de l'âge. Mais le messager de l'âge ne va pas commencer à se promener aussi partout. Pour prêcher éternellement son message, parce qu'il est un humain, il doit mourir. Mais il y aura des assemblées locales. Et là aussi, il y a un ordre local que Dieu veut. Au niveau local, Dieu confie l'assemblée à un ancien. Et dans les sermons après le chapitre 4, deuxième partie, aussi intitulé les 24 anciens, prêché le 1er janvier 1961, nous restons ici au paragraphe 292. Que signifie le terme ancien? Si vous prenez le mot ancien, j'ai environ toutes ces définitions écrites ici. Mais je fais simplement un survol. Ancien signifie chef de la ville. Ou chef de la tribu. Un ancien, le chef de quelque chose. Il dit, par exemple, maintenant même, frère Neville, qui était le pasteur associé à pasteur Branham, l'assemblée locale de Jeffersonville. Frère Neville est un ancien de cette église. Qui est-il? Il est la tête de ce corps local. Pour les questions d'ordre, de conduite et de doctrine, c'est celui-là que Dieu a établi à la tête de l'église locale, l'assemblée locale, pour superviser, aider les enfants de Dieu, non pas pour dominer sur eux, mais pour superviser les matières spirituelles, et être conservateur de la doctrine. Êtes-vous là? Ça c'est au plan local. Alors, il n'y a pas d'évêque universel qui lui est le surveillant de toutes les assemblées dans le monde entier. C'est lui qui est chef partout, c'est Jésus-Christ. Il est le chef de chacun, il est le chef de tous. Lui dit que c'est son église partout dans le monde et dans tous les pays. Dans le plan local, vous avez une tête locale. Juste pour la petite communauté visible. Vous voyez, il est le maire de cette ville. Non, le maire de cette ville, il est l'ancien de la ville. Et vous souvenez-vous des anciens de la ville dans les temps bibliques? Ancien signifie la tête de la ville ou le chef de la tribu. C'était comme ça au temps de la Bible aussi. Le chef de la tribu de Dan, c'était Dan. Et après la mort de Dan, il y a eu successeur et des choses comme ça. Là, c'était pour une tribu composée d'hommes et de femmes visibles qui provenaient d'une lignée. C'était cela. Mais ces gens-là étaient de mortels. Ils pouvaient passer. Oh mes chers amis, mais dans les sermons, Paul, prisonnier de Christ, ou un prisonnier, le sujet d'un prisonnier, prêché le 17 juillet 1963, Abraham fait une prière, elle peut nous interpeller aussi, et il va évoquer lui-même et son associé Frère Neville, qui dirigeait l'assemblée locale de Jeffersonville. Frère Neville, une église établie là-bas, comme on l'a déjà vu ici. Paragraphe 155 et 156. Il dit, Père Céleste, pendant que la chanson continue à être jouée, j'ai pensé que ce serait très profitable qu'en ce moment précis, Je puisse interrompre ce chant pour te parler juste un moment. Pendant que les gens sont en train de méditer, j'abandonne tout. Frère, puissions-nous faire ceci comme si c'était notre dernière occasion de le faire. Puissions-nous nous approcher avec sincérité. Nous approcher de la table du Seigneur comme cela se faisait. Avec des habits lavés, des âmes lavées, des volontés lavées, des ambitions lavées, nous abandonner et laisser Dieu prendre sa parole et qu'il puisse atteler, nous atteler tous à cela. La parole de Dieu. N'est-ce pas aussi votre prière? Quand nous entendons que Dieu n'a jamais eu deux têtes pour son église, tu ne peux pas avoir tes pensées charnelles ou être comme cet orgueilleux qui s'abandonne à ses visions et n'a que des pensées charnelles pour imaginer n'importe quoi, faire n'importe quoi. Il faut que Christ pense la parole te dirige personnellement. Amen. Et c'est vrai que vous allez faire ma carrière, vous allez faire le coup de la moutille, vous allez faire comme il banze la ca, banze ma cabou et naïe, mon coca, c'est vrai que Christ en zéla dans le banaïe à Kambayou. Puisse le Saint-Esprit nous prendre maintenant. Pendant que nous entendons les bruits du jour autour de nos cœurs. Ouais, sur ta parole. N'ayez donc pas vos propres pensées. Mais ayez mes pensées. Que ma volonté soit l'objet de vos pensées. Je vous conduirai. N'est-ce pas merveilleux de pouvoir me conduire? Que Christ nous inspire ceci. Et qu'à la fin nous acceptions que lui nous conduit. Oh Dieu, accorde que cela soit une expérience pour chacun de nous. Ces jeunes gens assis ici, l'époux et l'épouse, et certains qui vont devenir époux et épouses. Il y a des hommes plus avancés en âge qui sont assis ici et qui sont des ministres. Ils sont sur la route. Et Seigneur, voici frère Neville et moi. Et nous sommes très haut sur cet escalier. L'escalier de la vie, hein. Et on est arrivé vers la fin de l'escalier. Il était à Komina Souka. On y voit, il est là-bas. Bientôt on disparaît, on est pas là. Maintenant, nos jours sont comptés. Frère Neville. Nous faisons nos pas avec plus d'attention que nous ne le faisions autrefois. Quand la vieillesse vient, on commence à surveiller avant de marcher. On vérifie où est-ce qu'on met les pieds. Tango, on marche de fois en tâtonnant un peu. C'est des fois qu'il parle physiquement. Moindre façon, vous glissez, vous pouvez trouver. Il est plus jeune pour se moquer de vous. Alors pour se faire respecter, on doit faire vous en allez, là où je mets les pieds, c'est bien. Et si le okay. Voilà. Oui, c'est ce que nous sommes devenus, moi et frère Neville. Nous faisons nos pas avec plus d'attention que nous le faisions. Nous regardons là où nous mettons le pas. Nous n'avons plus une démarche aussi assurée, physiquement parlant. Mais Seigneur, pendant que nous voyons cette vie mortelle s'évanouir, aucune personne ne fera des pas sûrs tant que toi tu ne nous tiennes pas la main. Ce qui est aussi mis sur le boko. Pour que ça marche. Alors, parlons pas de l'enseigne. Maintenant, oh Dieu, prends-nous, ne veux-tu pas le faire? Prends nos cœurs et notre volonté dans ta propre main. Et ce soir, puissions-nous devenir les prisonniers de ta parole de Christ. Amen. Personne que ce soit pas l'homme parce qu'il est pasteur, parce qu'il est ancien qui dirige, mais que ce soit Christ dirigeant par l'homme. Alors, Puissions-nous mener des vies saintes. Et que ces jeunes femmes, ces jeunes gens, garçons et filles, abandonnent leur vie, Seigneur. Et puissent leurs ambitions devenir les ambitions de servir Jésus-Christ. Puissions-nous devenir des prisonniers de sa grâce. Et de sa volonté divine. Accorde-les, Seigneur. Prière. Non seulement pour lui, le pasteur Panam et son associé qui était l'ancien de l'église. Mais aussi pour tous les jeunes gens, même les ministres qui sont sur la route, tous nous voulons être prisonniers de la volonté de Christ. Amen. Que Christ soit le dirigeant principal. Amen. À tous les niveaux. Et la Bible, Yemoko Branam na Mosungina ye oyonde kone vilite ke kasi ezala kinde pona bilenge nyonso mibali to bilenge nyonso basi na babengi kobala na bona na basali wa banda ki kole kana zelete bango nyonso to za la Bible bakangami ya Nous avons lu dans la Bible que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ce sont ceux-là qui sont les fils. Ils ne sont pas conduits par leur intelligence. Par leur savoir-faire intellectuel. Soyons conduits par Christ lui-même. À tous les niveaux, à tous les lieux. Que soit Christ le dirigeant. Paul est la volonté de son cœur. Vous ne pouvez pas être vous la tête de votre vie qui dirige votre vie et Christ la tête qui dirige en même temps. Il y aura conflit. Vous devez abandonner à lui. Vous voyez ça? Et dans Hébreux chapitre 7, deuxième partie, prédication, Hébreux chapitre 7, deuxième partie. Vous voyez? Prêchez le 22 septembre, non, 22 septembre, oui, 1957. Nous voyons le paragraphe 292 et 293. Alors, si vous êtes au courant de quelque chose qui ne va pas dans l'église, qu'il s'agisse d'un individu, d'une personne ou de quoi que ce soit, vous avez une responsabilité. Et vous aurez à répondre devant Dieu si vous ne redressez pas la cause. Vous l'église. Quand ce qui ne va pas bien, ce qui est le lever. Et dire non, pas ça. Vous entendez? Chacun de nous a cette responsabilité-là. Quand on est au faire de dire, tu acceptes de répondre devant Dieu pour ça. Trône sur la lance, pas question. Le mal reste mal, il doit être bouté dehors. C'est l'église du Dieu-Saint. Maintenant, souvenez-vous-en, la chose ne repose pas sur mes épaules. Ne pensez pas que c'est lui le messager, c'est lui le pasteur. Il y a pas ça. Elle repose sur le vôtre. Peut-être la chose dont vous dites que je répondrai, je ne suis même pas au courant, moi l'homme. Mais nous sommes église ensemble, hein? Et nous avons chacun une responsabilité des choses que nous avons entendues, que nous avons vues, et que vous avez le devoir personnellement de redresser. Parce que c'est vous qui êtes au courant. Par moi. Vous êtes au courant, faites quelque chose. Elle repose sur vos épaules, cette chose. Et si quelque chose ne va pas dans l'église, on vous fera répondre de cela. C'est vrai. C'est ainsi qu'il conduit son église. Ne vous levez pas du coup. Je vais dire au pasteur. Est-ce que quand tu vas dire au pasteur, c'est ce que tu as fait pour redresser la chose, ou tu as vu le mal là où il y a, va vers l'endroit où il y a le mal, redresse. Je vais te le micro-mètre, je vais te le micro-mètre. Moi, au moins. Tu n'es pas un informateur du pasteur. Il n'y a pas de bonne fonction dans l'église. Amen. Tu as vu le mal, va là où le mal se commet, en tant que membre de l'église, redresse. Si on ne veut pas t'écouter, prends un témoin. Va encore là, redresse. Si on n'écoute pas, prends un témoin. Si on n'écoute pas, amène maintenant avec les témoins sur le pasteur. Voilà la parole. Tu as le devoir de redresser les choses. Nous avons un frère là avec une copine. Oh pasteur, vous ne trouvez pas que cet homme-là vient souiller l'église? Tu viens me souiller moi? Va vers cet homme que tu habites là. Va redresser son comportement. Amène les témoins. Est-ce que vous là? Mais nous ne voulons pas le faire. Autre boy va problème. Autre boy va réponse ma bé. Kende après son réponse ma bé, Christ n'a yo ayo que réponse wana. Il y a un Dieu, non? Qui t'envoie faire ça. À répondre insolemment. À Katilo Mangala. Dieu va enregistrer ça dans son livre de vie. À cause de 100 jours, mon coco. Ne pas que vous toutez. Ne crée personne dans l'église. Ne pas que vous soyez dans l'église. Va le voir et dis-le-lui. S'il t'insulte, c'est l'opprobre que tu dois accepter à cause de l'évangile. Amen. Tu es devenu chrétien pour supposer la honte. À cause de l'évangile. Ne sois pas un faiblard. Nous devenons trop modernisés. Et on entend des frères et des sœurs. Oh. Il y a une fois, va! Va redresser cette responsabilité! Et c'est que mes chambres, les amis, me combattent à eux. À ta fingion, dimanche! C'est pour l'évangile. Ils ont une bonne chambre là. Et Dieu te payera. D'avoir été un disciple loyal envers l'évangile. Je ne peux pas l'amener, hein. Moi, je peux lui peser un seul mot. Côté de la mort, là, que le goût de ce pasteur, comme ça, pasteur, à l'obélaïe. Bon, voir que le goût de la pasteur, à gobain de pasteur. C'est quel évangile qui vous entend ça? Vous construisez quoi l'église ou quoi? Vous allez continuer quel est le jeu? Vous allez parler. Quand tu as vu ton frère péché, Dieu a dit va dire au pasteur que le pasteur a eu lui dit. C'est quel péché que tu fabriques là? Vous avez dit que c'est la Bible. Au moins le comportement? Oui, bizarre. Tenez! Amen. Amen. J'aime faire en face. Amen. Que tu es un fils, que tu es un frère, que tu dis fais. Ce qu'il fait n'est pas conforme à la parole. Vous allez moi dans mon bal, dans un bateau, moi dans ma chine, dans un bateau. Vous allez dans mon bal, tu es moi. Si vous allez costaud, vous allez pleurer. Mon côté n'est ni le bon, tu es le coyo quand on a eu. Donc, aux anges de verser. Vous avez dit que vous bandez boni. Vous avez fait 10 000 bandes, c'est plus combien de mois. Vous voyez, vous avez pas verser. Hein? Tout est catholique. Amen. Ce qu'on l'ignore aux hommes ailleurs, c'est qu'à ta verser. Alors, il y a qu'à combien de l'histoire, autant qu'on va m'occuper. Pasteur, il y a un cas, une personne qui fait ceci et cela, quel passage je peux utiliser pour les redresser? Là, le pasteur va donner le passage de manière impersonnelle. Ayez vous fait état l'inane. Yo, on va équiper armée. Kende la foi. Amen. Souga de Zonaya, Souga de Moulou. Amen. Souga Yébus, yo, alo, Zonga. Oh, pasteur, mais, to solo inan de go, ki, moko boye, mais, ta la, c'est le pêche qui est petit boye. Ah, ok. Zon, monsieur, si Yébus, boye. Comme ça, c'est toi qui as vu sa réponse sur tes épaules. Yo, vous pouvez me dire, arriver au pasteur seulement avec les témoins. Amen. Quand on a un témoin, yo, il y a une divinité, il y a une gagne l'église, la bichon. Yo, il y a un témoin, vous ne pouvez pas passer. C'est quel chrétien fait ça? Ouais, on a pas cru, ça, l'on a dit. Oh, frère, on a pas cru, ça, l'on a dit. On même ma bonne et les autres, on a suivi l'idée, on a dit. Non. Bon côté. C'est pas la parole. Il me veut donc. Amène-moi avec les témoins. Va voir ton frère, va voir ta soeur. Présente-lui la parole. Soumis par référence des amis, il y a quand même tout par référence, mais qu'on s'en a comme à nous touter, qu'on s'en a pas les soumis à l'été. Nous avons influencé sur ces pieds. Sogwe mutomoni likambo yebete mukumbeza na maboko na yo na mapeka na yo yo moko ndoko kende kokutana na wewe mwenye na likambo soka yo keli yote ozui mtato limoko zenzene kwa moko boke na hii aboy ya mibali soka boy nyoso mbele ya bodo ozele bina nde okome masasa ipi na batato lengo nyoso paya mobatereza yo moko tena kombo batu kende talisholo wana nde kokende kumema mbindo paya mobateli bongote et si quelque chose ne va pas dans l'église. Vous pourrez répondre de cela. C'est parce qu'il conditionne. C'est ainsi qu'il en est dans la Bible. C'est là l'ordre de la Bible. Et c'est là la souveraineté de l'église locale. Et c'est le pasteur qui est la tête. N'est-ce pas? Oui. Mais ça arrive au pasteur avec les témoins selon Matthieu 18. Et comme il n'y a pas de témoins, il n'y a pas de témoins. Quand on lui dit qu'il est à l'église, mais vous n'allez pas. Bon, on a dit, il n'a pas écouté le premier et le deuxième témoin. Je vais le dire à l'église. Moi, je vais demander la parole. On me passe le micro. Moi, je vais parler à l'église. Non. Au frère Gingandi, non, ça ne se passe pas comme ça. La tête, hein, malgré cette souveraineté locale, la tête de l'église, c'est le pasteur. Vous voulez les dire à l'église, vous venez maintenant voir le pasteur pour que l'église et le pasteur voient comment informer l'église selon la parole. Pour le banal église, c'est que le voyant de l'olobete, vous pouvez s'engager, Nicolas, dans l'ingénieur, Colombel, dans le son, le pacalané, dans le tournage, pour toucher, vous l'avez eu, et ça, la macalé, moi, la thé. Et que l'église, au collègue, la moto, moto, c'est le mot battre. Êtes-vous là? Vous allez voir. Donc, vous n'allez pas écrire non plus un communiqué. Écrit. Communiqué. Le frère, un tel ou soeur, un tel, informe l'église qu'il a contacté en date de le frère tel au sujet de tel péché. Mais le frère ne l'a pas écouté. Et puis, il a pris des témoins en date de... Et puis le frère s'est rébellé. Il a répondu comme ça. Il a injurié. Et puis... Faut pas faire votre bibongi sur le voilà. Vous allez comprendre les affaires. Mais la parole, elle est spirituelle. Il y a des endroits où il faut un secours de révélation. Pour comprendre la pensée profonde de Dieu qui est écrite. Voilà, la procédure nous a été expliquée comme cela. Maintenant, venons-en à ce message béni que nous avons. Vous, je veux maintenant que vous sachiez cela. Son message est enregistré sur les bandes. Souvenez-vous-en. Et les enregistrements sur les bandes de l'église, les ordres et les règles de l'église se trouvent enregistrés sur les bandes. Et se conforme à la Bible. Tu vas bien? Nous ne la dirigeons pas. Branham et Neville. Branham était le responsable localement. Oui. Nous ne la dirigeons pas. Il y a personne à la tête. Ni rien du tout. Et là, comme côté. Nous sommes tous égaux. Mais nous avons un chef. C'est le pasteur. Suivez bien. Voilà, tant qu'il est conduit par le Saint-Esprit. Là, on peut goûter cette autorité-là. Tant qu'il est conduit par le Saint-Esprit. Mais quand il délaisse le Saint-Esprit, il commence à faire des choses dans l'église. Allons-nous toujours suivre? Parce que ce n'est pas lui le chef de l'église. L'église est unique dans le monde entier. Son chef, c'est Jésus-Christ. Il dirige par son esprit. Et selon sa parole. Voilà pourquoi frère Branham pouvait se disposer à toute correction. Dans le serment l'ordre de l'église du 26 décembre 1963, nous lisons ceci, paragraphe 6 et 7. Eh bien, je ne cherche pas à usurper l'autorité ou quelque chose comme ça. Donc, non, ce n'est pas ça. Mais vous voyez, si un homme ou quoi que ce soit a deux têtes, il ne saura pas comment avancer. Deux têtes. Il y a que la bête qui avait cette tête. Hein? La bête satanique. Hein? Apocalypse 13, verset 1. Mais ça, ce n'est pas l'église de Dieu. Une seule bête, mais elle avait cette tête et 10 couronnes. Le programme de Dieu, ce n'est pas ça. Mais dans les camps du diable, vous trouvez ça. Cette tête, nous tous sommes. Mais pour son église, Dieu n'a qu'une seule tête. C'est Christ. Les autres sont des serviteurs soumis à lui. Utilisé par lui pour la prédication, pour la conduite, pour la mise en ordre, pour l'enseignement. Voilà, ils sont sous lui. Il dit, eh bien, je ne cherche pas à usurper l'autorité ou quelque chose comme ça. Mais vous voyez, si un homme ou quoi que ce soit a deux têtes, il saura pas comment avancer. Dieu n'a jamais eu de tête par son église. Jamais. Il a une seule tête. Même au plan local. Pour l'assemblée locale. Il y a une seule tête. Pour l'âge donné. Une seule tête. Dans chaque génération, une seule tête. C'est la manière de Dieu. Est-ce que vous acceptez ça? Ne pas bien comprendre ça, c'est s'ouvrir à de nouvelles confusions. Dans chaque génération, il a toujours traité, comme nous l'avons étudié par les Écritures, c'est toujours avec un seul individu qu'il traite. Dans chaque génération. Parce que quand vous avez deux hommes, vous avez deux opinions. Vous aurez l'un a dit ça et l'autre a dit, bon, maintenant nous prenons quoi? Mais il faut prendre une seule tête. Par rapport à l'angle considéré. Si c'est pour l'âge, et que vous vivez dans cet âge, une seule tête que Dieu utilise pour le messager de l'âge. Si c'est l'assemblée locale, et que vous êtes membre de l'assemblée locale, une seule tête que Dieu utilise pour le pasteur de l'âge. Il faut avoir des collaborateurs, mais c'est le pasteur. Que Dieu voit d'abord. Est-ce que c'est clair? Maintenant, le pasteur aussi, il n'est pas tout permis, il doit se laisser conduire par le Saint-Esprit et se soumettre à l'assemblée. Il est dit, assemblée, soumets-toi à ton pasteur, et pasteur, soumets-toi à ton assemblée. Au nom de la souveraineté de l'assemblée locale. C'est encore là une question. Où les pasteurs ont fait des dégâts dans le milieu du message. Ils sont passés outre les principes pour imposer les choses. Dieu les jugera. Vous voyez qu'en tout ça, ce n'est pas l'homme trop, mais c'est le Saint-Esprit à travers ses rachetés. Il dit, quand vous avez deux hommes, vous aurez deux opinions. Cela doit aboutir à un absolu final. Et mon absolu et la parole, la Bible. Et en tant que pasteur de cette église, l'église qui était là-bas de Jeffersonville. Et quelle est de Jeffersonville? Mon absolu et la parole. Frère Branham est-il le pasteur du tabernacle des chrétiens? Êtes-vous là? Vous allez là? C'est au fait aussi simple que d'avoir les deux yeux pour voir. Est-ce Frère Branham qui répondra pour les âmes du tabernacle des chrétiens? Lui répondra pour son message. Mais pour vos âmes ici, il y a quelqu'un qui va répondre et que vous voyez avec vous. Et dans chaque assemblée locale, c'est comme ça. Ne fouillons pas nos responsabilités. Commencez à dire, non, le pasteur de cette église, c'est William Branham. Tout ça, pour donner l'impression que je ne suis pour rien. Lui répondra, monsieur. Faut pas tromper. Lui répondra. C'est ça. Bongo. Alors, lui dit, ça doit vous dire un absolu final. Il y a mon absolu et la parole. La Bible. Biblia. Et en tant que pasteur de l'église ici, mon absolu et la parole. Et je sais que vous, les frères, vous me considérez un peu comme votre absolu. Et tant que je suis Dieu, le quoi là, nous allons zambé. Non, voilà. Le quoi là, nous allons zambé. Frère Jean, quoi il a mutabouana. Il n'est pas le premier. Bazar dans la situation, bazar dans milliard, mais ça. Ebélé, vous pouvez rien malubi. Bomoni, tant que nous allons zambé, il est mon quoi le bien bon. C'est pas ça. Ils allent bon côté. Tant que je suis Dieu. Le quoi là, nous allons zambé. Oui, de suivre, pas d'être. Il y a quoi ça la tête cassée? Il y a quoi l'anda? Il y a on est par moment, autant le moment que personne n'a vraiment manqué. On veut mieux voir. Bon, vous allez bien, je suis bien, frère, tu es incrédule, tu ne vois pas. Alors, bien, tu as des hommes, mais on va nous conduire, on va nous conduire. Tant que je suis Dieu. Le quoi la nazar pour la nazar? Comme Paul le disait dans les Écritures. Le quoi la parole, maintenant, pour le bénin. Suivez-moi comme je suis Christ. Bon, la nanga, le quoi la nazar pour la nazar Christ. Bon, suivez-moi. Bolandangai. Pas soyez-moi. Bolandangai. Comme je suis Christ. Mais suivez-moi comme je suis Christ. Bolandangai le colonel de Christ. Bolandangai le colonel de Christ. Il faut comprendre ce qui est. Bolandangai le colonel de Christ. Suivez-moi comme je suis Christ. Bolandangai le colonel de Christ. C'est ça la bonne traduction. Bonne mais bonne les autres là disent. Paul a l'obaki. Écoute, Paul fait la Bible. L'obaki, Bolandangai, le Kolandangai, Nazali Christo. Donc, c'est-à-dire, Paul a Zali Christo pour la bandimia, Aja Ephèse, Branham n'a pas Zali Christo pour la bandimia, Tango. Dis mensonge. C'est pas ça, bon côté. Si c'est vraiment ça la référence, tu nous mens. Ça, tu n'es pas le temps, oh, on a un deuxième colombé, le biso, pour être un mot, il y a comme un Christo, on a un deuxième colombé. C'est pas ça. Bon côté. Suivez-moi. Bolandangai. Comme Jésus-Christ. Le kola nazali kolanda Christo. Bolandangai. Le kola nazolanda Christo. Mais oyo. Bolandangai. Le kola nazali Christo. Nino soko bolandangai. Nazali Christo. Ponabino. Branham fait à l'oubli qu'il n'y ait pas un Christo. Ponabiso. Donc Christo. Vous êtes en Branham. Non, frère. Et ça nous peut nous C'est philosophie mensongère, n'est pas une déformation de la citation. Et je m'attends donc à ce que vous, les frères, à n'importe quel moment, vous me voyez m'écarter de ces écritures. Vous veniez vers moi en privé. Me dire où j'ai tort. Pas en public, mais en privé. Et vous allez mis sur votre cachet dans mon pantalon. Vous là? Vous allez là? Vous voyez que je me suis écarté. Venez me voir en privé. Et au moins, il y a tout la paix, moi, dans le monde. Montrez mon bouger trop. Vous allez s'en aller, c'est une salle. Peu m'importe que vous soyez l'un des administrateurs. Ou que vous soyez le concierge, qui que vous soyez, il est de votre devoir envers moi, en tant que frère en Christ, de me dire quand je pense selon les Écritures. Il y a une question. Assoyons-nous et réglons-la ensemble. Pourquoi ensemble? Parce que nous sommes égaux. Il n'y a pas ici un chef qui domine, mais des serviteurs placés dans une position pour encadrer les autres, mais nous sommes frères. Est-ce que vous croyez vraiment ça? Que Dieu nous aide ici. Alors, à cause de la souveraineté de l'Assemblée, je l'ai dit tantôt, je vais terminer ici en lisant dans Apocalypse chapitre 4, troisième partie, où le trône, publication du trône, prêché le 8 janvier 1961. Le trône, paragraphe 46. Il a lu le passage de Ephésiens 5 de la Bible, hein, que nous avons lu là, où il est dit, et dans la crainte, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Ephésiens 5:21, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Alors il dit, soumettez-vous. Écoutez la déclaration qu'il fait. Assemblée, soumettez-vous à votre pasteur. Pasteur, soumettez-vous à votre assemblée. Soumission réciproque. Que ce principe soit clairement compris et retenu et appliqué. Assemblée, soumettez-vous à votre pasteur. Et pasteur, soumettez-vous à votre assemblée. S'il y a une petite coterie qui se forme, ne vous rangez d'aucun côté. Soumettez-vous à l'assemblée entière. Assemblée, si vous commencez une coterie, soumettez-vous à votre pasteur dans la crainte de Dieu. Non. Plutôt que de commencer des coteries, soumettez-vous à votre pasteur. Il ne faut pas que des gens se forment des groupes skills ici, comme un groupe de pression, un groupe de revendication. Nous, les ressortissants du Nord qui vivent, nous déplorons les injustices qu'il y a dans l'église. Frère, cette histoire-là, pas à la maison de Dieu. Toujours un groupe de gens avec un communiqué en main, qui partent pour faire la lecture. En train de revendiquer ceci, revendiquer ceci. Le me dit que 9 fois sur 10, ce sont ceux qui font ces remue-ménages avec eux, ça ne va pas avec Dieu. Mais ils sont toujours là à faire des leçons. Oh, mais ce n'est pas bien fait. L'autre là, ce n'est pas bien fait. Ici, là-bas encore. Hé, hey, Yab, le ministre là-bas. Je comprends pas, c'est du bon à zone. Batiabongo, Bazalagabao, Bazalatana Mulongo Malamute Nansambe, Kasi Bazal Bobet, oh Sam Malamute, oh wana boy, Kakabangana Bango. C'est là, n'est pas en ordre. C'est lui-même là qui n'est pas en ordre. C'est là, 9 fois sur 10, ils ne sont pas en accord avec le Seigneur. Mais ils jouent au donneur de leçon morale. Bango ne va pas toli Pesa. L'église ici a failli. Là-bas, elle a failli. Ici encore là-bas. Mais vous-même là, quelles sont vos failles à vous? Vous pouvez me le dire? Vous connaissez vos péchés? Amen. Soumettons-nous les uns aux dans la crainte de Christ. Vous voyez donc, le prédicateur est choisi par le Saint-Esprit pour prêcher. L'ancien est établi par le Saint-Esprit pour superviser les matières du domaine spirituel, conserver la doctrine de l'église, maintenir l'ordre. Vous voyez? Mais les croyants, la majorité des croyants, c'est que nous considérons comme étant le Saint-Esprit. Quand il y a des décisions et des placements à faire. Il faudrait donc que chacun de nous soit conduit par le Saint-Esprit. Pasteur et église sans confusion. Sans distinction. Chacun de nous a le devoir d'être conduit par le Saint-Esprit. De sorte que celui qui est ma tête qui me dirige, et aussi ta tête qui te dirige, et quand ils nous mettent ensemble, il y aura harmonie. Il y aura unité. Et l'Église sera unie sous une seule tête. On ne trouvera pas de fausses prophéties. Le pasteur est contre, mais toi tu es pour les fausses prophéties. Vous voyez maintenant, finalement, nous sommes dirigés par qui? Le pasteur est contre le mariage mixte. Toi tu es pour le mariage mixte. Oh, essaie de comprendre que l'église, c'est le balancé. Meilleure façon, il faut qu'on mette maman les bandes, les soumis ensemble et à Gondi Manaye. Mouke mouke, ou comme frère, ou comme sœur. Toi, qu'est-ce qui te dirige comme ça, ton frère? Qui a de telles idées? Ton pasteur ne croit pas des choses comme ça. Bon, si c'est le pasteur qui est conduit par le Saint-Esprit, alors toi, tu ne conduis pas quoi? Vous, tu veux me dire que le pasteur, quand lui est fils, lui, ce n'est pas le Saint-Esprit qui le conduit, mais c'est toi qui es conduit par le Saint-Esprit. Mais il m'a aidé alors ton frère pasteur à recevoir la bonne conduite. Amen, c'est vérité la bonne conduite. De sorte que la parole tranche entre nous. Parce qu'il ne s'agit pas des opinions du pasteur qui doivent dominer sur nous. Je vous ai dit qu'il n'y a pas de conducteur qui domine sur les gens. Je tire ça de 1 Pierre chapitre 5. Soyez affermis dans cette vérité. Le verset 1 à 3. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Moi, ancien comme eux. Hein? Vous êtes ancien à la tête de l'Église, ok? Par moins de souffrance de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. Prêchez les troupeaux de Dieu qui est sous votre garde. Non par contrainte, mais volontairement selon Dieu. Non pour un lien solide, mais avec dévouement. Non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant des modèles du troupeau. Est-ce que c'est clair? Ils ont dit pour les trois, ce n'est pas comme dominant sur les gens. Oh frère, ce que moi j'ai dit. Non. Un frère n'a pas compris, aidez à comprendre. Prenez le temps de lui expliquer. Parti biblique. Nous sommes des serviteurs les uns des autres. Tu as dit amen? Tu aimes la vérité? Vas-tu soutenir la vérité? Mais défendre que la vérité? L'appliquer que la vérité? Alors que Dieu vous bénisse. Tenons-nous debout pour la prière maintenant. Lève-nous maintenant pour la prière. Conduis-moi Seigneur. Conduis-moi Seigneur. Oh Jésus, conduis-moi. Conduis-moi, Seigneur, au Jésus, conduis-moi. Chaque jour, à la porte du Saint-Esprit, conduis-moi, oh Jésus, conduis-moi. Chaque jour, chaque nuit, à la porte du Saint-Esprit, Conduis-moi, Seigneur, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus Nous t'adressons nos remerciements au nom de Jésus-Christ. D'avoir traité avec nos esprits, nos âmes ce matin. Comme nous l'avons réclamé dès le début de la prédication. Le salut est individuel. Nous sommes d'âge différent. Mais c'est le Saint-Esprit qui nous distingue. Nous prions qu'il en soit ainsi dans la marche de chacun de nous. Pour quitter toute confusion. Séparer de tout mal, condamner le péché et s'attacher à la vérité. Dépouillez-nous de la peur, de la timidité et de tout complexe. Que chacun assume sa responsabilité pour aller voir son frère ou sa soeur qui se retrouverait dans le mal afin de redresser la chose. Aide-nous, Seigneur, chemin faisant. Nous ne prétendons pas être infaillibles, ni être parfaits, mais que nous ayons l'humilité pour accepter aussi d'être reprochés, là où nous serions reprochables. Mais à la fin, nous avons confiance que tu te présenteras une église irréprochable. Tu as ce plan. Et tu le réaliseras. Et que sauf la prière de chacun, et donne à chacun la force nouvelle pour combattre le bon combat de la foi jusqu'à la victoire finale, de défier la confusion, de dire non à tous ces mensonges qui circulent et de garder l'identité chrétienne en tout lieu, à tout moment. Soit notre secours, soit notre Dieu, soit notre Père, soit le conducteur de chacun de nous, le seul dirigeant, et que tu nous mettes en communion, en unité, sous une seule tête. car tel est ton programme. Fais-le comprendre à chaque frère, à chaque soeur, à toute l'église, ici et dans le monde entier, que nous ne sommes pas divisés, mais nous sommes des fidèles appelés, des prédestinés pour ton plan. Reste avec chacun de nous et que sa victoire devienne notre. Au nom de Jésus-Christ, le merveilleux, le seul chef, nous prions. Amen. Veuillez vous asseoir et que Dieu vous bénisse de chemin.